Sans pression, eh, je me donne raison, eh, quand tu bouquines une taison, eh, fusil à grande précision, eh, planqué sous le lit à la maison, eh, trafic sur tous les axes, travail, il me faut un gaz, on va faire tomber tous les masques, je suis indépendant comme un basque, sur nos tiers-quarts comme un congé, dans ton secteur, je règle business, c'est pas grave si je suis bondé, je mets le régulateur de vitesse, hey, bêtise, ramenez-moi vite de la tise, du plomb dans la matière grise, positif à toutes les analyses, personne va me la faire, elle est bonne, je la gère. Pas de gomme cogne en ma terre, pas de paix dans la guerre. Pouf, c'est chauffant et quand j'y pense, on dirait que mes couilles sont en vacances. Vise droit si t'entends clic-clac, tu ferais mieux pour courir en zigzag. C'est pas trompé si je mets que le doigt. Va te plaindre, dis-là, je connais mes droits. Le paradis n'est pas sur terre, et y'a pas la clim en enfer. Merco, narco, braco, El Chapo. Je fais des millions à la cité, et je vais tout claquer dans le VIP. Sport plus, Rolex, Brabus, sur mode S. Je fais des millions à la cité, et je vais tout claquer dans le VIP. Palais fumé, donne-moi une raison. La livraison est brosson, eh. Hey. Rentre dans le fion en discrétion, eh. Hey. Saute sur ton crâne sans pression, eh. Hey. Je me donne raison, eh. Hey. Quand tu bouquines une taison, eh. Hey. Fusil à grande précision, eh. Hey. Planqué sous le lit à la maison, eh. Hey.